Le 41e concours international de logiciels des étudiants de Pyongyang d'Asie s'est déroulé le 9 et 10 courant à l'université Kim Il-sung. Y ont participé plus de 120 étudiants sélectionnés de 28 écoles supérieures de Corée, divisées en 42 groupes. Y ont été données des questions en langue étrangère, demandant l'analyse exacte sur des phénomènes naturels, des connaissances multilatérales, une grande capacité de dresser le plan d'algorithme et de programmation. On a publié le palmarès et attribué des diplômes et des coupes.